Unité 77. L'expression de la conséquence. Exercice 2. Je suis sortie de chez moi et j'ai vu qu'il pleuvait, donc je suis retournée prendre un parapluie. C'est pour cela que je suis en retard. 1. J'ai obtenu un nouveau travail et j'habitais assez loin, alors j'ai voulu me rapprocher. C'est pourquoi j'ai déménagé. 2. J'ai décidé de vivre en Pologne, donc j'ai commencé à étudier la langue. En plus, j'ai rencontré une Polonaise, c'est la raison pour laquelle je parle couramment polonais.